pleut tout doucement à petit bruit sur les pruniers en fleurs. Je pense à vous, votre visage se dessine sous mes paupières closes. Visage tant aimé, tant de fois caressé dans mes rêves. Visage cher entre tous, par-delà le silence et jusque dans l'absence. J'entrouvre le ciel à la pointe des cils et m'y creuse un regard. Sous les ailes du vent, les nuages se font et se défont autour de la maison. Je pense à vous tout doucement, un petit bruit comme la pluie. Je pense à vous tout doucement, un petit bruit comme la pluie.